Maman m'a dit, mon petit, n'aie pas peur, fais tes choix, Lucifer, n'est pas ton dictateur, donc ignore Belzébuth, c'est plus dur de réussir dans le crime que dans de vraies études. Si la fraude te frôle, reste à faune. Tu réussis, c'est le mécoube. Tu te plantes, c'est ta faute en fait. Ça, c'est les conseils de ma maman, toujours utiles, en ces temps apparemment. Surtout dans ce monde toujours en vie, où pour certains Dieu est mort et tout pas toujours en vie. Elle rajoute à l'occasion, l'orgueil ça vaut quoi, le crime paie que pour les avocats. À ce stade triste, je trouve, parano, mets ton signe astral là, sur une liste rouge. Elle disait, mon petit, n'aie pas peur, terre d'accueil ne signifie pas ferme ta gueule, oh. Maman, oh maman, maman. Elle dit que sourire, c'est donner l'exemple. Si tu le fais pas, ils feront pas, tu connais les gens. Tu viens de mon ventre, donc sois fier. Si tu sors, laisse la vengeance au frais dans la glacière. C'est pour vous que je vis, tu vois ce que je veux dire. C'est à vous que je le dis, tu vois que je veux vivre, hein. Évite les rats, évite les tensions. Évite les radins qui prêtent même pas attention. C'est pas que la fin du monde est une fausse alerte, mais notre terre, c'est l'enfer d'une autre planète. On n'est jamais si bien servi que par sa mère. Le paradis est sous ses pieds, le petit prince embrasse sa reine. Tout commence par des pleurs et un cri strident. Ça finit par des pleurs et minutes de silence. Fiston, rêve loin des rues sombres. Petit, confonds pas émeute et révolution. Oh maman, oh maman, maman. Elle m'a dit, crois en toi, quitte la ruelle, croire au futur, et puis le taux de mort non naturel. Et puis, méfie-toi des gens vils et perfides, méfie-toi des filles qui veulent tout être mes belles filles. C'est l'heure des changements, sachant toi, tu cherches pas le bonheur, non, tu cherches juste l'argent. Voilà quelques conseils de ma maman, toujours utiles, en ces temps apparemment.